question de vie, tout le monde commence de moins point au départ. Mais bientôt se couvre le vrai prix du talent, c'est tout le prix. Car le talent est négligeable, peut tout arranger avec un portefeuille considérable. Inécrasable le moral qu'on européen depuis toujours. Donne sans regretter, tu seras autant retour, peut-être. Mais ça m'a encore pas arrivé. Tout le monde est prêt à tout pour avoir la vie sucrée. Faire des défauts d'égalité comme l'égoïsme. Quand tu fasses, j'appas pas la tentation de la gourmandise. Même le plus résistant ne supporte plus la crise. Le temps passe, il se passe de plus en plus comme la trou de pise. Se faire remplir pas de problèmes jusqu'à le déborder. Essayer de rattraper le temps pour dire merci à tout ce que nous a mis au monde. À chaque seconde, on perd de notre sang. Et on se demande encore ce que deviendra sans. Sans on peut vivre. Et on les dépasse ou quoi? La bouffe, les bijoux. Et les nanas, les jeans, le t-shirt à la mode. Et les baskets. L'objet de la communication, le sexe et les casquettes. Tout ce que me mène. D'exprimer ma haine, que ne donne des promesses. Mais ça reste toujours le même. Je suis un de plus qui ne supporte plus le système. On a une démocratie, il me reste en bas quand même. Je m'adresse à la génération qui vient d'ailleurs. Génération immigrée à la recherche de la vie meilleure. Personne n'a droit, puis j'ai pu les juger. Les mecs mesurent leur vie avec fio jugé. Qui connaissent parfaitement l'histoire de leur époque. Les destins foutus à cause de la colle de la drogue. Les veines coupées et les pertes dans l'entourage. Les finira à l'anniversaire et les gâteaux de mariage. Piqué par la rage qui se développe dans nos esprits. Niqué par la cage où nous affirme ce pays. Je dis, je joue un jeu pour rassurer leur futur. Mais pour moi le rap c'est pas un jeu. Je peux faire serrer ma ceinture. C'est sûr, crever dans l'or, dans la boue, grave quand même. Je suis la route de nos morts, ça peut soulager nos peines. Et voilà en quoi nos existences se résument. Car la vie n'a pas de pitié, t'as toujours en bas de la ceinture. Каждому свое, но загребает это всех. Надо иметь силу, чтоб запустить свои слова вверх. Жить от души тех, ты не получишь гаммы. И ушли в пизду твои стратегические планы. Каждому свое, но загребает это всех. Надо иметь силу, чтоб запустить свои слова вверх. Жить от души тех, ты не получишь гаммы. И ушли в пизду твои стратегические планы. Les valeurs. Les mœurs ne sont pas respectées. T'as voulu tout changer dans mon doux Dieu sacré. Les générations évoluent dans la bonne direction, mais peut-être pas dans le bon sens. Les valeurs se perdent au fond du gouffre. Les anciens souffrent, mais la vie a changé. Qu'est-ce que tu veux, faut s'y faire. Les filles se croient femmes à 13 ans, elles offrent leur virginité. En clair, c'est se faire, elles fument pour se faire grande. Jouer l'intéressante, bref, ça promet une vie peu décente. Descente de flics mineurs embarqués, trois se sont entretués dans une rue du quartier pour un simple bout de papier. Je souligne juste les valeurs que nous ont donné nos parents. De nous voir s'entretuer, pour eux, c'est pas marrant. L'amour reste effacé dans ce monde de violence. Où la plupart se prennent pour Tony Montana. Des jeunes sans bandana, armés d'un mic. Je place mon texte mieux qu'un bazooka. Ce que je cherche juste à faire comprendre, c'est de retenir les valeurs de la vie. Je suis pas là pour vous les apprendre. Tout comme vous dans ce monde, je reste un apprenti. Même si je ne suis plus môme, je joue pas au repenti. Arpenter les rues de ces villes et jouer au gros bandit. Réfléchis avant d'agir, car la rue ne pardonne pas. Aujourd'hui c'est toi qui manges, mais demain c'est toi le repas. Каждому свое, но загребает это всех. Надо иметь силу, чтоб запустить свои слова вверх. Жить от души тех, ты не получишь гаммы. И ушли в пизду твои стратегические планы. Каждому свое, но загребает это всех. Надо иметь силу, чтоб запустить свои слова вверх. Жить от души тех, ты не получишь гаммы. И ушли в пизду твои стратегические планы.